Je buvais du vin blanc. Sur des cailloux. Oui, quand faut y aller, faut y aller. Faut y aller. Merde. Ouais les gars là, personne joue là, c'est quoi ce bordel? Là, je connais des sites de chat si vous voulez aller chatter. Les sites de rencontres. Hein. Ah là là là. Salut à vous tous les qui sont les livreurs de promesses. Les gens du changement, c'est à vous je m'adresse. Faut que je change de tonalité de la voix là, je crois. Salut à vous tous les puissants, les livreurs de promesses, les hommes du changement, c'est à vous que je m'adresse. Écoutez, solidarité. Ah, je baisse. Renault, c'est qui celui-là? Je connais pas moi. Ah, c'est pas celui qui fait. C'est pas qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tant, la mer, elle m'a pris, je me souviens. Marie. Non, c'est pas ça. Je croyais, moi. Vous voulez du Renault? De perdu, c'est les copains qui reviennent. Ah, oubliez les accords. Oh, il va falloir que je dois retravailler tout ça. Ouais, tu ne verras peut-être pas.